Je viens de voir le désespoir de la vertu. Ça a de la vertu, le désespoir ? Dit-elle en hochant la tête et se croisant les bras à la Napoléon. C'est la pauvre madame Hulot, il lui faut 200 000 francs. Sinon, le maréchal et le père Fischer se brûlent la cervelle. Et comme tu es un peu la cause de tout cela, ma petite duchesse, je vais réparer le mal. Oh, c'est une sainte femme, je la connais, elle me rendra tout. Au mot Hulot et aux 200 000 francs, Valérie eut un regard qui passa, comme la lueur du canon dans la fumée, entre ses longues paupières. Qu'a-t-elle donc fait pour t'apitoyer, la vieille? Elle t'a montré quoi, sa religion? Ne te moque pas d'elle, mon cœur. C'est une bien sainte, une bien noble et pieuse femme, digne de respect. Je ne suis donc pas digne de respect, moi? Dit Valérie en regardant Crevel d'un air sinistre. Je ne dis pas cela, répondit Crevel en comprenant combien l'éloge de la vertu devait blesser madame Marneff. Moi aussi je suis pieuse, dit Valérie en allant s'asseoir sur un fauteuil, mais je ne fais pas métier de ma religion. Je me cache pour aller à l'église. Elle resta silencieuse et ne fit plus attention à Crevel. Crevel, excessivement inquiet, vint se poser devant le fauteuil où s'était plongée Valérie et la trouva perdue dans les pensées qu'il avait si niaisement réveillées.